Ajahn Chah. La vertu est source de bonheur. Enseignement donné le jour de Songkran, le nouvel an traditionnel. Première partie. La vertu est le véhicule du bonheur. La vertu est richesse et trésor. La vertu mène au détachement des passions. Alors, puisse votre vertu être purifiée. Nous qui sommes venus ici aujourd'hui pour chercher refuge dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha, nous nous retrouvons en ce jour particulier qui est en train de s'écouler juste sous nos yeux tandis que nous sommes assis. C'est comme ce qu'a enseigné le Bouddha en disant « Les jours et les nuits se succèdent inlassablement. À quoi passons-nous notre temps ?» Avec ces paroles, il nous enjoint très sérieusement de veiller à la façon dont nous menons notre vie. Pourtant, certains bouddhistes laissent passer les jours et les nuits sans se souvenir de ce qu'ils ont fait ce jour-là, ce qu'ils ont fait la veille ou ce qu'ils feront le lendemain. C'est une erreur de laisser passer le temps sans utiliser l'attention pour savoir si nous agissons bien ou si nous causons du mal, pour savoir si nos intentions et notre comportement sont justes ou pas. Pourtant, il est vraiment rare de rencontrer des individus qui pensent à ces choses-là et qui ont cette sorte de sensibilité. Aujourd'hui, une autre année se termine selon l'ancien calendrier. En fait, nous n'avons pas besoin de nous intéresser à ce que nous avons accompli ni de penser en termes de lundi, mardi ou mercredi. Nous pouvons considérer que nous commençons aujourd'hui, quel que soit le jour. Il faut 12 mois pour faire une année, peu importe à partir de quand. C'est différent des conventions sociales, c'est tout. Nous sommes donc arrivés à ce moment de l'année où nous nous retrouvons, selon la tradition. C'est la fin d'une autre année où nous avons essayé de pratiquer le Dhamma. Nous serons heureux et vivrons dans l'harmonie grâce à l'honnêteté et à la moralité. Si nous faisons partie d'un groupe ou d'une société plus vaste, nous serons heureux et détendus grâce à la moralité et au Dhamma, la pratique de la vertu. Quand j'étais enfant, le jour de Songkran, c'est-à-dire le nouvel an traditionnel, les anciens du village nous emmenaient tous dans d'autres districts pour communier par l'eau, comme ils disaient. Tout le monde buvait la même eau et nous prenions des engagements en utilisant la même eau. Nous proclamions notre intention d'être honnêtes et droits les uns envers les autres. Par exemple, dans ce district, dans cette commune, dans cette province, nous disions « Bien que nous vivions dans des villages différents et que nous ayons des intérêts différents, essayons d'avoir le même regard sur les choses de façon à ce que tout le monde soit heureux. Vivons tous fermement établis dans la vertu et la spiritualité. Nous promettions ainsi de demeurer vrais et honnêtes pour être intègres dans nos relations à nos supérieurs, à notre village, à la nation, à la religion et à la royauté. » Le but était d'instiller le respect et l'attention, d'apprendre à développer la présence consciente, la simplicité et l'humilité les uns envers les autres. Ainsi, nos villages et notre pays pouvaient vivre en paix et heureux grâce au Shila Dhamma, le comportement noble dans l'action, la parole et l'esprit. De ce fait, l'harmonie pouvait régner. Si nous manquons d'honnêteté et d'intégrité, il n'y a qu'à voir ce qui se passe tout autour de nous ces temps-ci. Si vous regardez, vous verrez certainement ce que je veux dire. Au sein d'un même village, les querelles surgissent. Au sein d'une même famille, frères et sœurs se disputent. Au sein d'un même pays, des citoyens se battent. Tout cela est causé par une compréhension erronée. Je n'accuse personne. C'est du fait de notre compréhension erronée que tout cela se produit. Toutes ces personnes, qui sont en réalité frères et sœurs, se querellent, se battent et s'entretuent sans aucune raison. Comment est-ce possible? À cause d'une mauvaise compréhension. Ceux qui ne voient pas les choses telles qu'elles sont réellement n'accordent aucune pensée à l'importance de la vertu et de la spiritualité. Voilà pourquoi le Bouddha a établi les bases de ce que nous appelons la religion bouddhiste. On peut aussi l'appeler la science bouddhiste, car il s'agit d'un corpus de connaissances supérieures à toutes les autres disciplines. Dans toutes les matières que l'on étudie dans le monde, même jusqu'au niveau du doctorat, on n'arrive jamais au bout de l'apprentissage. Ce sont des disciplines limitées qui existent dans un monde où règnent le désir et l'attachement, et qui mènent à la souffrance. Elles ne nous aident pas à abandonner la souffrance. Cette sorte de connaissance est appelée science, mais cela n'a rien à voir avec la science bouddhiste. Si nous étudions correctement le bouddhisme, nous apprenons à lâcher prise, à poser les choses, à nous arrêter. Si une chose est mauvaise, nous apprenons à voir ce qu'il y a de mauvais. Au lieu de nous accrocher aux choses, nous apprenons à relâcher notre saisie et à laisser aller. Nous apprenons le renoncement. Voilà ce qu'est la science bouddhiste. Les enseignements du Bouddha sont un ensemble de connaissances qui sont en tout point justes et vraies. Il a dû nous les transmettre parce que ces choses-là ne nous viennent pas naturellement. Il ne s'agit pas de notions qui changent ou évoluent en d'autres concepts. Leur validité demeure intacte. Par exemple, le Bouddha a enseigné que bien agir a des conséquences positives et que mal agir a des conséquences négatives. C'est une loi immuable. C'est certain. Il s'agit là d'une connaissance qui vient de la sagesse pure, une sagesse sûre et fiable. C'est pourquoi on peut l'appeler vérité. Pourtant, certains diront que bien agir n'entraîne pas nécessairement de bons résultats. Ils ont été vertueux, mais n'ont pas pu en voir les conséquences positives, et disent « J'ai été juste et honnête, alors pourquoi est-ce que je n'en retire aucun bénéfice ?» De nombreuses personnes se comportent mal et vivent bien, tandis que d'autres qui agissent bien passent par de dures épreuves. C'est vrai, mais seulement quand on ne comprend pas bien les choses, car cette vision n'est pas juste, elle n'est pas en accord avec la vérité. Si nous regardons les choses selon la vérité, nous comprenons que l'enseignement du Bouddha n'est pas quelque chose qui change. Quoi qu'il arrive, la vérité à laquelle le Bouddha s'est éveillé est immuable et sûre. La vérité est toujours la vérité. Quand elle semble ne pas être vraie, c'est à cause d'une mauvaise compréhension des êtres humains. Imaginons, par exemple, que M. A soit arrêté et accusé d'un crime. Il est parfaitement innocent de ce qu'on lui reproche, mais il n'a aucun témoin qui puisse l'attester. La police va peut-être faire venir de nombreuses personnes qui vont témoigner contre lui, alors que son seul témoin est sa propre conscience et son intégrité. Dans ce cas, il ne peut pas gagner. Comme il ne peut pas prouver que les témoins se trompent, il finit en prison. Cependant, il sera dans le vrai et seul son corps sera incarcéré. Son esprit ne sera pas enfermé. Si ce genre de choses nous arrivait, nous nous sentirions probablement lésés et nous serions très abattus. Mais, selon le Bouddha, il n'y a jamais de raison valable de se sentir lésé. Si de telles choses nous arrivent, si nous n'avons rien fait de mal et que nous devons malgré tout payer un prix et souffrir, nous devons blâmer pour cela notre karma, nos actions passées. Même si aujourd'hui nous n'avons rien fait de mal, nous avons peut-être mal agi hier, et si ce n'est pas hier, c'était avant dans le passé. Nous pouvons en conclure que nous avons effectivement mal agi autrefois et que nous devons faire cette expérience maintenant, du fait du principe que rien n'arrive sans cause. S'il n'y a pas de cause, les phénomènes ne peuvent pas se produire. Tous les phénomènes apparaissent du fait d'une cause. Si nous sommes capables de réfléchir à ce principe et de voir les choses sous cet angle, notre vie sera toujours pleine de joie. Trouver des personnes qui ont pleinement confiance dans les enseignements du Bouddha, comme ceci, est très rare. Par exemple, j'ai établi ce monastère avec l'aide de bienfaiteurs laïcs et de disciples moines il y a plus de 20 ans. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire de Wat Pa Pong. Nous avons pu créer un monastère ici et supporter de nombreuses difficultés pendant des années parce que les gens avaient une véritable appréciation de la vérité et n'avaient pas peur. Ce ne sont pas des paroles en l'air, vous savez. Plusieurs d'entre nous ont souffert de la malaria pendant 3 ans et il n'y avait aucun moyen d'obtenir des médicaments. Souvent, nous n'avions ni bougies, ni piles pour les lampes de poche, ni pétrole pour les lampes. Il y avait encore plus de serpents et autres créatures dangereuses qu'il n'y en a maintenant, de sorte que, lorsque nous marchions dans la nuit, nous récitions des versets de bienveillance et de protection. Si nous mourions, nous mourions. Si nous vivions, nous vivions. Nous étions capables d'avoir cette attitude parce que nous suivions une voie vertueuse et nous pouvions faire confiance à notre propre esprit. Le Bouddha a donc enseigné qu'il faut regarder en soi, se connaître et s'entraîner. Ne soyez pas trop pressé d'aller entraîner les autres. Vous devez commencer par regarder en vous. Si les autres disent que vous êtes bon, n'oubliez pas que leurs critères ne sont pas les vôtres. S'ils disent que vous n'êtes pas bon, ne prenez pas leurs critères pour la réalité non plus. Ne soyez pas trop heureux ou démoralisé par ce que disent les autres. Tournez-vous vers l'intérieur et cherchez en vous ce qu'il en est réellement. Quand on vous dit que vous n'êtes pas bon, en quoi ne l'êtes-vous pas? Y a-t-il effectivement une faiblesse là? Si une chose ne va pas, corrigez-la. Abandonnez ce qui n'est pas juste. Ne soyez pas perturbé par ce que disent les autres. Si ce qu'ils affirment n'est pas vrai, peu importe. Ils ne voient pas les choses correctement et vous pouvez avoir confiance en ce que vous faites. Vous devez avoir confiance en vous et non réagir aux louanges ou aux critiques par le plaisir ou l'abattement. Que ces paroles soient méritées ou pas, c'est sans importance. Si ce que l'on dit de vous est vrai, pourquoi être perturbé et discuter? Si ce n'est pas vrai, pourquoi chercher à vous défendre? Ainsi, vous n'êtes jamais perdant. L'esprit reste joyeux et satisfait au cœur de la pratique. Voilà pourquoi il est dit « La vertu est le véhicule du bonheur. La vertu est richesse et trésor. La vertu mène au détachement des passions. Alors, puisse votre vertu être purifiée. » Nous devrions réfléchir à cela et prendre conscience que les 5 préceptes sont les critères moraux d'un véritable être humain. Note de l'éditeur. Les 5 préceptes sont les principes moraux de base recommandés aux laïcs par le Bouddha comme fondement indispensable à toute avancée sur la voie de la sagesse. Il s'agit de s'efforcer de 1. Respecter la vie sous toutes ses formes. 2. Respecter la propriété d'autrui. 3. Maîtriser sa parole en veillant à ce qu'elle soit vraie, utile et qu'elle aille dans le sens de la paix entre les êtres. 4. Avoir un comportement sexuel responsable. Et 5. Ne pas consommer drogue et alcool qui brouillent l'esprit alors que nous souhaitons aiguiser notre attention pour nous libérer des obscurcissements du mental. Fin de la note. Donc vous tous qui êtes des bouddhistes laïcs, vous êtes-vous réellement engagés à suivre ces 5 préceptes avec pureté? L'un de vous a-t-il pris cette résolution? Pensez-y. il y a là quelque chose de bon et d'authentique. Bien sûr, il y aura toujours quelqu'un pour rétorquer « Je n'y arrive pas. Le monde insiste pour que je me comporte en contradiction avec les préceptes. La société me force à agir de telle manière que les préceptes sont transgressés et je dois suivre les critères de la société. » D'après ce que j'ai vu parmi tous les groupes que je rencontre, lorsque les gens sont heureux, ils ne s'intéressent pas trop à ces choses-là. Généralement, c'est seulement avec les personnes âgées et les infirmes que je peux vraiment communiquer. Ce sont les anciens qui viennent ici et souhaitent suivre les préceptes. Ceux qui ont l'esprit moderne n'y voient aucun intérêt. Ils ne sentent pas la nécessité de vivre selon certains principes éthiques. C'est pour cette raison qu'il y a autant de problèmes, de conflits et de malheurs dans notre société. C'est comme prétendre qu'un boulet de charbon incandescent ne brûle pas. Mais si nous le prenons dans les mains, sera-t-il froid ou brûlant? Il y a une mauvaise compréhension là. Bien sûr qu'il sera brûlant. Voilà pourquoi les gens sont si agités, si perturbés de nos jours. Regardez autour de vous. Voyez les moines et leurs disciples. Voyez les parents et les enfants. Voyez les dirigeants et le peuple. Il n'y a guère d'harmonie. Pourquoi? Personne n'a de réponse. En fait, c'est simplement parce que nous manquons de principes moraux. Il n'y a pas d'honnêteté ni d'intégrité, et quand tout le monde se comporte ainsi, il ne peut y avoir qu'agitation et tourment. Ce sont les tourments de l'enfer. Quand les gens vivent dans un environnement infernal, ils commettent toutes sortes de méfaits et deviennent diaboliques. Cela s'appelle être en enfer dans cette vie même. L'honnêteté et l'intégrité se perdent. On peut même dire qu'elles ont à moitié disparu. C'est pourquoi nous assistons à tant de troubles et d'hostilités dans de nombreux endroits. La seule raison pour cela est que les gens ont perdu la moralité et le dhamma, et qu'ils les ont remplacés par la poursuite du plaisir et de l'exaltation. La vertu ne cesse de décliner ces temps-ci, avec pour résultat toujours plus de malheurs et de problèmes. Des situations désolantes apparaissent, et nous n'arrivons pas à y remédier. Que pouvons-nous faire? Que se passe-t-il? Voilà comment les choses adviennent. La moralité et le dhamma sont authentiques et justes. Il n'y a rien de faux en eux. Les pauvres peuvent suivre la voie de la bonté et de l'honnêteté. Les riches peuvent suivre la même voie. N'importe qui peut suivre cette voie. Pour tous les êtres humains, la bonté et l'honnêteté sont comme une colonne vertébrale. Une vie fondée sur la bonté va briller et resplendir. Nous n'avons pas à craindre que faire le bien soit jamais perdu. Même après notre mort, la vertu que nous aurons créée demeurera dans le monde. Voilà quelque chose que nous pouvons observer nous-mêmes. La vertu ne meurt pas. Nos enfants pourront la poursuivre, et quand les gens rencontreront nos enfants ou verront quelque chose qui est lié à nous, ils penseront à nous et se sentiront heureux. Ainsi, nous continuons à apporter refuge et assistance à ceux qui sont dans le monde. Les Brahma-Vihara, ou demeures divines, que sont la bienveillance, la compassion, la joie altruiste et l'équanimité, devraient être le fondement de notre conscience. Nous devons pouvoir ressentir bienveillance et compassion envers tous ceux que nous rencontrons, sans faire de différence. Ne pensons pas « Celui-ci n'est ni un ami ni un parent, je n'ai donc pas à me préoccuper de lui. » En réalité, nous sommes tous amis et parents, du simple fait que nous sommes tous nés. Il n'y a pas d'autres. Même si nous venons de villes ou de pays différents, nous sommes comme des grains de riz. Ils poussent d'un même plan ou dans un même champ, se multiplient, et puis ils sont dispersés et replantés dans d'autres lieux. Un grain crée un plant. Un plan crée de nombreux grains qui vont engendrer de nouveaux plants. Mais il s'agit toujours du riz issu du même plan qui disperse les espèces dans toutes les directions. Nous, êtres humains, sommes pareils. À partir d'origines communes, nous suivons nos préférences et nous nous éparpillons dans les quatre directions. Après nous être suffisamment éloignés les uns des autres, nous commençons à oublier qui nous sommes et, lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes, nous nous disons « ce n'est pas un de mes parents ». Quand nous voyageons dans un autre village, nous pensons « ce n'est pas mon village natal ». Mais la vérité, c'est que nous sommes tous apparentés à travers la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. C'est pourquoi le Bouddha, notre maître suprême, nous a recommandé de tourner notre esprit vers le Dhamma et de faire du Dhamma la pierre angulaire de notre vie. Cela signifie nous aider les uns les autres, sans exception. Si quelqu'un souffre, si quelqu'un a des difficultés, quelle que soit cette personne, nous devons essayer de l'aider de notre mieux. Réfléchissez-y et essayez d'avoir cette attitude. Nous vivons ensemble dans ce monde, alors nous devrions nous considérer comme des parents, de la famille et des enfants. Actuellement, c'est comme si nous avions été séparés pendant des années au point d'oublier qui nous sommes, et nous commençons à nous battre et à causer toutes sortes de conflits entre nous. Du fait de cet oubli, nous nous comportons comme des animaux. Oublier que nous sommes tous parents devient la cause de disputes, de batailles et même de tueries entre nous. Pourtant, nous ne formons vraiment qu'un seul peuple. Nous sommes tous parents, tous frères et sœurs. Essayons d'être des personnes qui ont le Dhamma dans le cœur, autrement dit Metta, la bienveillance. Lorsque vous rencontrez une femme âgée, comportez-vous comme si elle était votre mère. Si c'est un homme âgé, vous devriez penser qu'il est votre père. Si quelqu'un est un peu plus âgé que vous, pensez à lui ou à elle comme à votre grand frère ou votre sœur aînée. Ainsi, tout le monde est votre frère, votre enfant ou votre parent. Je vous demande de faire un effort pour avoir cette attitude et apporter une même aide à tous ceux qui sont en difficulté.